2009, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Chronos lance son nouveau site internet. Notre page d'accueil est simple, mais elle bouge tout le temps, entre la veille, les thémas, le blog, et bien sûr, les photos prises par notre fine équipe. Sur notre nouveau site, il y en aura pour tous les goûts. Vous êtes pressé, un billet de blog ou quelques brèves. Envie d'image, la galerie Chronos. Faire le tour d'une question? Plongez-vous dans un de nos 200 thémas. Si vous en avez envie, vous pouvez même l'envoyer à vos collaborateurs ou le regarder un peu plus tard en l'ajoutant à votre espace personnel. Sur cet espace qui vous est dédié, stockez vos images préférées et conservez vos articles de veille favoris pour créer votre propre revue de presse. Cet espace personnel vous permet aussi de gérer vos newsletters en choisissant d'en recevoir une ou deux. La première newsletter vous résume tout ça deux fois par mois et la seconde vous offre l'actualité de votre secteur en bref et en brève. Mais pour accéder à toutes ces ressources, il faut d'abord vous inscrire. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur la page d'accueil dans la rubrique « Membres, s'inscrire ».